Bonsoir, bienvenue à tous, si je puis dire ainsi. En tout cas, on va essayer de passer un très bon moment ensemble, hein. On va essayer de réchauffer cette salle. Alors nous, on se présente, on s'appelle Cornes, on est voisins limitrophes, on vient du 53. Yes, yeah.